Unité 5, 2, A. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances ? Moi, j'aime beaucoup le sport. Faire du ski et de la randonnée en montagne, j'aime aussi faire du VTT. Luc et toi, raconte-nous. Eh bien, moi aussi j'aime faire du VTT. J'aime le football aussi et faire de la planche à voile. Et toi, Sylvain ? Moi, je ne suis pas très sportif. Pendant mes vacances, je préfère sortir la nuit, aller en boîte, voir des spectacles. Et aussi, j'adore faire du shopping.